ville du milieu, la pluie sur le pare-brise. Les autres n'avancent pas mieux, que veux-tu que je te dise? Dans une heure, un avion me l'envole. D'accord, je te demande plus de faire attention, mais fais bien attention. Elle téléphone à Joël, s'allume une cigarette. Ne nous laisse pas sans nouvelles, tu sais comme ta mère s'inquiète. 17 ans, elle s'éprend, elle s'envole. Tu sais, moi aussi j'ai eu 16 ans. Pourquoi tu rigoles? Voici, elle a sorti son miroir. Mais oui, t'es la plus jolie, si c'est ce que tu veux savoir. Elle balance les épaules, elle bougonne. Tu vois, ça me fait quand même un peu drôle. Voir partir ma lionne. Silence à l'embarquement, elle détourne son visage. Ne nous laisse pas trop longtemps, tu as tant fait de bagages. Je l'ennuie, elle sourit patiemment. J'espère qu'où tu vas, quelqu'un t'attend. Tant qu'on t'attend. Ça fait mal.